Les bon, qui n'a bien de quoi quoi. De quoi? L'eau sache d'un qui double sa tête. Ambe n'a pas de diable. Voyez sa taille. Sumpo. Sac ou sumpo le sac. Gaïté qui dit que double par ben ben. Si vous voulez que tu aies un dit double. Dit double. Dit double. Bah ça coupe dit que quoi. Gaï connaît du double. Jeki jeki rek. Voyez jeki jeki de rien quoi. Kay nan kay ya ñaka fayda yow ya ngi sacc ñu lay dool su mboy sa bi tat ngeen ak fi di rek waji yu wa di re kay nan kay ya ñak jom way yow loy re sa waji ko ni di yuxu di re kay nan kay ya ñak jom way yow lo buñu fonto lan la mu ñu xol leen sacc ba le ak sa ko ne